Peace. If you wanna, you got to take I am looking for lyric, complete lyric. C'est bon, ça marche sur celui-là, on arrive à voter. Alors voilà, j'ai tous les accords, j'ai tous les... Non, ça marchait pas le 48. Ça marchait pas. If you want to try, you go to take me on for that. If you want to get done, go on the ground. Attends, je suis un petit peu... Je recommence. If you want to try, you go to take me on. recommence. Merde, j'ai raté le départ. Ah. Oups. Changer une corde sur ma guitare, la corde de mi, et j'ai l'impression que l'animal se désaccorde. Well,